Chapitre 20. Quand je descendis à terre, je voyais l'air rempli de petits diables blancs, avec des ailes de chauve-souris écarquillées, et la terre aussi en était couverte, mais là ils étaient gris. Par essaims entiers, ils passaient et repassaient devant mes yeux. « Oh oh, dis-je, Poupoule, nous voilà bien. Sais-tu ce que c'est ? Le délirium tremens, mon fils !» Dieu merci, la villa des tempêtes était encore debout. Le gorille furieux était toujours là-bas, sur les rochers, et tambourinait sur son ventre avec les poings. J'étais épuisé, et je m'endormis instantanément. Après bien des heures, je me réveillais. Il était arrivé quelque chose. Les chauves-souris avaient disparu, je tendis l'oreille. Le vent pleurait dans la cheminée, le tambourinement du gorille avait cessé. La tempête s'apaisait. Je sortis devant la porte, la mer écumait et faisait rage. Et le crépuscule d'un jour qui n'avait jamais été clair pleuvait comme une épaisse cendre grise sur le chaos sinistre. Un vapeur sans couleur roulait là-bas, dans une houle effroyable, un grand steamer, P.E.O., à peine visible. Ce crépuscule emplissait le cœur d'un sentiment d'épouvantable abandon, et je n'osais ni penser ni sentir. Je me rendormis. Puis un frappement connu m'éveilla. Il faisait nuit noire. Les gerbes de lumière de créage flottaient en vagues tremblantes, comme de très fins cheveux de femme, dans l'atmosphère brumeuse. Au nord, on voyait le reflet écarlate d'un incendie. C'était le feu de Stiff. Sur la mer grondante traînaient des volutes de fumée. Mais Rose Eyre n'entra pas en babillant, avec des exclamations chantantes de joie débordante. Elle était timide et anxieuse. Elle parlait à voix basse et un peu enrouée. « Je t'ai vu descendre à terre aujourd'hui, » dit-elle, et elle me mit dans la main un petit paquet. « Comme il fait sombre chez toi. Bonsoir, Rose Eyre. Que devient Jean-Marie ? » « Jean-Marie dort. » J'allumai le feu, et je pus du moins voir la coiffe blanche de Rose Eyre et ses cheveux clairs. Elle était assise sur le lit, pelotonnée sur elle-même. « Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce papier, Rose Eyre ? » « Ouvre-le. » Il y avait une motte de miel. Les navires au fond de la mer éclatent. Dit Rose Eyre. Jean-Marie a trouvé une grande boîte, et aussi un ballot de figues, mais elles étaient gâtées. Mais les paroles de Rose Eyre s'étranglèrent dans un léger vagissement, et tout à coup elle se mit à pleurer tout haut, à fendre l'âme, comme pleure une petite paysanne quand elle a du chagrin. Rose Eyre ? Rose Eyre secoua la tête, et les larmes lui sautèrent sur les mains et passèrent entre ses doigts. Je ne sais pas, dit-elle, mais j'ai peur. Quand il y a tempête, mon cœur se brise. Il faut que je pense à père et au jour où Diol est arrivé comme un fou. Diol était le chien de père, un dogue, aussi gros qu'un veau et tout à fait sauvage. Personne ne pouvait le toucher excepté père. Père faisait le service de la poste avec la côte. Il avait un joli bateau, il était pilote. En 3 mois, 2 bateaux-postes avaient déjà coulé, et c'est alors que père prit le service de la poste. Alors une fois la mer était forte, il faisait du vent mais pas de tempête. Alors Diol arriva comme un fou. « Tiens, dis-je, père est de retour, voilà déjà Diol. » Il dégouttait d'eau, mais père le jetait souvent à l'eau. Cela ne nous surprit pas. « Diol, veux-tu nous laisser la paix ? » Il était comme un fou, il sautait après moi et il jappait. Mais il n'était pas en colère. Je le frappais sur le museau, et même alors il se laissa faire. Tout d'un coup, je me mis à crier, et pourtant je riais encore. Je comprenais Diol. Je comprenais aussi tout à coup pourquoi un quart d'heure plus tôt mon cœur s'était soudain arrêté. Car il s'était arrêté, il n'avait plus bougé. Je courus derrière Diol, nous courûmes tous derrière lui à la file indienne, en traversant l'île, et j'étais la première de tous. Là, dans les rochers, gisaient les débris du bateau de père et les cadavres. 8 hommes s'étaient noyés dans le ressac, père aussi. On ne le retrouva pas. Seul Diol avait pu se sauver. Elle pleurait en serrant les lèvres et les yeux. Je posai ma joue contre la sienne et je la berçai doucement comme un enfant. Ses larmes mouillaient mon visage. « Diol, mon pauvre Diol !» gémissait Rose Eyre. Nous l'aimions tant. Alors il se mit à errer de tous les côtés comme une bête sauvage. Et la nuit, il aboyait là-bas contre les rochers où le bateau avait chaviré. Alors Joël sortit avec son fusil. J'entendis la détonation. Et Joël revint et dit « Maintenant, Diol est mort. » Rose Eyre pleurait doucement et elle continua « J'avais aussi un frère. Il avait une longue moustache. C'était un homme farouche et il buvait comme tous les autres. Souvent, il me disait « Rose Air », il me tapotait la joue. Ils partirent à la pêche et lui ne revint pas. Et toute la journée, j'avais une angoisse effroyable. J'ai vu, oui, je l'ai vu, précipité par-dessus bord, et sa moustache rouge flottait sur l'eau. Je descendis au port, et j'attendis. Je savais bien qu'Émile ne reviendrait jamais. Malgré tout, j'attendais, je priais. Alors le bateau rentra. Le patron dit « Roseur ». Il n'en dit pas davantage. Plus tard, il me dit « Le courant l'a emporté, sa moustache flottait, mais nous ne pouvions plus le rattraper. » J'étais assise, priant pour son âme, et quand il fit sombre, Jean-Marie vint et dit « Eh bien, Roseur, il se fait nuit. » Je berçais Roseur et la caressais de mon mieux. « Pleure toutes tes larmes, petite Roseur, cela ira mieux. » Le vent gémissait doucement à la porte. Il se plaignait comme s'il lui revenait en mémoire une chose triste qu'il avait vue autrefois et qu'il ne pouvait pas oublier. La mer grondait comme le tonnerre étouffé d'une canonnade. Elle grondait régulièrement, toutes les deux secondes, et à chaque coup de tonnerre, un frémissement parcourait le corps de Rose Eyre. Elle leva la tête. « Entends-tu la mer ? » demanda-t-elle. « Il va falloir que je m'en aille, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a de la brume. »« Que va-t-il donc arriver ? Tout peut arriver. »« Tout ? Oui, car j'ai vu père, aujourd'hui, en plein jour. »« Ton père ? Oui, il est entré dans la porte et il a dit « Aujourd'hui, il faut qu'ils prennent garde, eux, là-bas. »« Ceux qui sont en mer ? Oui. » Poupoule éternua et Rosaire eut si peur qu'elle poussa un cri. « Mais Roseur, dis-je en souriant, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?» Elle me regarda. Ses yeux vacillaient sous la lueur du feu, comme les yeux d'un animal quand il est plein d'anxiété. « Je ne sais pas, dit-elle, en regardant à terre, mais j'ai peur. Durant tous ces jours-ci, j'ai eu une angoisse effroyable. Il y a tant de choses qui me passent par la tête et me font peur. Je pense que Yann périra en mer, et moi aussi, moi aussi. Non, Roseur. « Père me l'a dit, répliqua Roseur, avec un petit sourire de rêve, il y a déjà longtemps. Oh, je sais ce que je sais. D'ailleurs, ce n'est pas le pire. Parce qu'alors, peut-être, je pourrais être avec père et frère là-dessous, où tu les as vus l'autre fois. Mais Roseur, ce n'était qu'un songe stupide. J'avais tant bu à la noce de Kédril. » « Oui, oui. » Roseur eut un sourire d'incrédulité et regarda devant elle dans le vide. Puis elle rit à mi-voix. « Non, il y a une chose de bonne. La mère ne peut rien faire à Jean-Marie. Grand-père est invulnérable. » De joie, elle secoua ses cheveux. Ses joues étaient brûlantes et ses yeux brillaient. Elle était étrange aujourd'hui. Maintenant, moi aussi, je sentais la brume. Elle sentait l'iode. Alors Créache se mit à beugler, un beuglement lointain et sourd, et je l'apercevais devant moi, emmitouflée dans des ballots de brume impénétrables. Roseur tressaillit. Elle remonta les sourcils et elle écoutait de toutes ses forces le beuglement de la sirène qui roulait sur la mer et se fondait en un grondement lointain. « Il faut pourtant que je m'en aille, » dit-elle, pleine d'angoisse, mais je la persuadais de rester. « Nous allons faire chauffer un peu de grog, et puis je te raconterai une petite histoire, attends un peu. Si tu trembles, c'est parce qu'il fait froid ici. » Poupoule, débarrasse le plancher. Tu vas voir comment on va être bien ici. » Je brûlais mon journal anglais, je brisais le tiroir de ma petite table et en jetais les morceaux dans le feu. Bientôt, ce serait aussi le tour de la petite table. Il n'y avait pas autre chose à faire. Tout en préparant le grog, je racontais à Roseur un amusant petit événement de ma vie et quand je la regardais à la dérobée, je vis qu'elle souriait. Poupoule, qui connaissait son monde, était assis devant elle et battait de la queue. Lui aussi se mettait en frais pour détourner Roseur vers d'autres pensées. « Est-ce que ça n'est pas déjà plus agréable chez nous, hein, Roseur ?»« Oui, » Roseur hocha la tête, les yeux fixés devant elle sans regard. Elle avala le grog brûlant à travers un petit morceau de sucre qu'elle tenait derrière ses dents. Son visage brillait dans la lueur du feu, encore humide de larmes. Ses cheveux jaunes étincelaient comme si le soleil eût frappé dessus. « Maintenant, je n'ai plus une si grande angoisse, » dit-elle, et elle respira profondément. « Mais par moments, je pourrais mourir d'angoisse. La mer m'appelle. Des visages apparaissent dans la mer. Une fois, j'ai vu mon frère assis sur un rocher. Il était monté du fond avec une vague. Il était assis là. Il me regardait. Mais alors je criais d'angoisse, il plongea dans la vague. Une fois qu'il y avait tempête, j'allais le soir le long des rochers, il y avait là une pierre. Mais tout à coup la pierre se leva, et c'était un vieil homme, avec de longs cheveux gris. Il se tenait tout à fait tranquille, et du feu sortait de ses yeux, alors je m'enfuis, et j'ai eu peur pendant toute une semaine. Mais dans les derniers jours je n'y tenais plus. « Eh bien, dis-je, ce sera le mieux de te jeter à la mer. La Sainte Vierge te pardonnera. » J'allai à Stif, où les rochers descendent à pic. Là, je pleurais et priais, et je demandais à la Sainte Vierge de me remettre ce grand péché. Mais quand je voulus me précipiter, figure-toi, Père était là, assis au bord des rochers, la pipe à la bouche, exactement comme je le vois toujours. Il ne me regardait pas, mais il était assis, là. Il me barrait le chemin. En disant cela, Rosaire sourit d'un sourire étrange. Et je pensais, il passe dans ta petite tête des choses extraordinaires, Rosaire, des choses extraordinaires. Cela parut soulager Rosaire de pouvoir parler de son père et de son frère. Je la laissai faire, et elle me raconta tout, et sa jeune vie, et ce que Jean-Marie lui avait apporté de ses parents et de ses grands-parents. La plupart étaient morts, noyés. Et pourtant, comme c'était singulier, la mère n'avait rejeté aucun d'eux, pas un seul. Étrange était la mort de son grand-père. Il allait à Molène. La mère était unie comme de l'huile. Il n'arriva jamais. Pas un copeau de son bateau ne se retrouva. Rien. On ne retrouva rien, Rosaire. Rien. Et Rosaire eut un sourire étrange, et elle ajouta mystérieusement, « Ils l'ont tiré en bas. » Et elle tomba en rêverie. Créache lança son beuglement étouffé, et Rosaire tressaillit de tout son corps. Je lui racontai les pays lointains que j'avais vus, et comme les gens étaient extraordinaires là-bas, ils avaient des tortues plusieurs fois centenaires, incrustées de pierres précieuses et de parures, ils les adoraient. Ils avaient des dieux, petits comme le pouce, et en revanche d'autres grands comme le phare de Créache. Rosaire avait à peine écouté, mais maintenant elle souriait. « Ce sont des païens, ma foi !» Puis il me fallut lui raconter Paris. Elle ne pouvait se lasser d'entendre parler de Paris. Elle voulait savoir ce que coûtait un dîner et combien il demandait pour une chambre à l'hôtel. Oh, diole, comme ils étaient effrontés! Rosaire riait et pourtant elle tremblait en même temps. « Nous irons peut-être ensemble à Paris un jour, Rosaire. » Elle me regarda avec de grands yeux. « À Paris ? » « Oui, pourquoi pas. Nous pouvons partir du jour au lendemain. » Rosaire sourit et secoua la tête. « Paris, c'est si loin. Je ne verrai jamais Paris. » Longtemps, elle demeura silencieuse et indifférente, quoi que je puisse dire. Elle tendait l'oreille continuellement au bruit du dehors. Une fois, elle dit « On n'entend plus Créache si fort, tant la brume s'épaissit. » Puis, elle me caressa la main d'un geste tout machinal. Elle ne prononça pas une parole. Elle s'agenouilla par terre à mes pieds, posa son visage sur mes pieds et les entoura de ses bras, et elle resta ainsi, sans bouger. Elle faisait souvent ce geste, et je ne l'en empêchais pas. C'était un moyen d'exprimer toute sa tendresse et toute sa dévotion. Ce n'était qu'une enfant qui n'avait ni père ni mère. Longtemps elle demeura ainsi, et finalement j'entendis qu'elle dormait. J'attendis un moment, puis la soulevai et la portai sur le lit. Elle ouvrit les yeux, me regarda sans me reconnaître et continua de dormir. Par moments, elle babillait en rêve, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait car elle parlait breton. Que rêvait Rosaire ? J'étais assis, fumant ma pipe, et je la regardais respirer. Peut-être rêvait-elle qu'elle était assise dans les rochers et qu'ils sortaient tous de la mer et bavardaient amicalement avec elle sans que personne les vît. De la fumée filtrait sous la porte. À travers ma petite fenêtre, regardait un visage affligé. La brume. Je jetai du bois dans le feu, car il ne fallait pas que Rosaire eût froid. Une heure passa, deux heures. Toutes les 3 minutes, Créache ébranlait l'air de son beuglement, et le sable ruisselait dans mes murs. Créache beuglait toujours 2 fois, coup sur coup. D'abord comme une bête sauvage, qui se lève d'un bond, exaspérée, et attaque furieusement. Puis, comme si elle se retirait, blessée, avec un râle de douleur. 3 minutes sont une éternité quand on attend. Maintenant, Créache a beuglé 10 fois. 1 demi-heure s'est écoulée. Rosaire parlait, agitée, anxieuse. Rêvait-elle qu'ils passaient tous là-bas en bateau, en lui faisant signe, mais elle ne pouvait pas les rejoindre, car la mer était entre eux. Soudain, elle se mit sur son séant et me regarda fixement. « Brume, Rosaire, dors !» et sur le champ elle se rendormit. Je cherchai ma mince chaîne d'argent et la lui posai sur la poitrine. La prochaine fois qu'elle se réveillerait, elle la trouverait. La brume épaississait de minute en minute. Créache ne beuglait plus. Il grondait comme une bête blessée à mort, misérablement vaincue, qui lèche ses blessures en cachette et grogne et râle. La mer tonnait plus fort dans les rochers et la marée dans la baie grondait comme si toutes les 10 secondes une rangée de maisons s'écroulait. La marée remontait, mais ici, auprès de notre feu à demi éteint, c'était un silence de mort. Par moments, des bruits légers, comiques, sortaient du nez de Rose Eyre. Un petit papillon que la chaleur avait réveillé voletait au plafond. Une araignée noire grimpait le long du mur sans faire de bruit. Le souffle de Rose Eyre était profond et régulier. Je posai l'oreille sur sa poitrine. Elle respirait, elle murmurait, comme la mer à marée basse. Et qu'est-ce que la respiration des hommes, je vous le demande, sinon la respiration de la mer d'où ils sont sortis? Le souffle de Rose Eyre répandait le calme et la paix, une sorte de sainteté. Une étrange crainte respectueuse m'envahissait devant ce fragment de vie qui était là près de moi. Crainte et respect devant ta jeunesse, Rose Eyre, tes beaux cheveux et tes dents blanches, et toute cette souffrance dans ton petit corps. Je ne te connais pas. Je me mouvais sans bruit et j'osais à peine respirer. Puis je m'assis devant le feu et je pensais à beaucoup de choses qui étaient passées depuis longtemps. Passées, Dieu soit loué. Bénie soit la loi de l'éphémère durée qui fait les jours neufs. Bénie aussi soit votre inconstance, amies et femmes, qui m'avez si pitoyablement menti et trompé. Il y a 4 murs, il y a 4 points cardinaux. Que préfères-tu ? Combien de temps restai-je ainsi, je l'ignore, car bien des choses me passèrent par la tête. Puis un léger bruit de source m'éveilla, la petite chaîne avait glissé à terre. Rose Eyre était sur son séant et prêtait l'oreille. Elle s'était dressée sans bruit. Ses yeux étaient absolument sans regard. Elle épiait, avec chaque fibre de son corps, avec les 1000 oreilles de son corps, elle épiait. Ses joues étaient rouges de sommeil. Mais subitement, elles devinrent blanches comme neige. Rose Eyre ? Rose Eyre sursauta. Elle balbutia quelques paroles rapides, mais je ne les compris pas. « Parle français, Rose Eyre. Mais chose étrange, je n'osais pas me lever et aller vers elle. « Écoute donc, » dit-elle. Je prêtai l'oreille. La mer, Créage râlait dans le lointain. Poupoule était assis près de la porte et me regardait interrogativement. Lui non plus n'entendait rien. Mais Rose Eyre tremblait de tout son corps comme si elle avait froid, et elle était effroyablement pâle. Je me levai, mais elle me fit signe de la main. Elle eut un sourire maladif. « Ils ont perdu la route, » dit-elle sans voix. « Que disait-elle ? Réveille-toi, Rose Eyre !» Alors elle me regarda, et ses yeux étaient imprégnés d'une angoisse épouvantable et ses pupilles monstrueusement dilatées. « Qu'était-ce donc ? C'était... Sors ! » murmura-t-elle, secouée de fièvre. « Calme-toi, dis-je, je vais sortir. » Immédiatement, la brume se jeta dans la chambre comme un fantôme qui aurait guetté devant la porte. La mer retentissait d'un tonnerre d'airain et Créage grondait au cœur de l'impénétrable nuit de brume. Je tendis l'oreille. Un marteau battait sourdement dans ma poitrine. L'angoisse qui émanait de Rose Eyre m'avait saisi, moi aussi. Je fis quelques pas pour m'orienter, secouai la tête et regagnai la porte. Mais comme j'allais la refermer, je m'arrêtai soudain. Qu'était-ce ? Mes pieds collaient au sol, ils étaient de plomb, les bouts de mes doigts s'engourdissaient, mes mains, mes bras, tout mon corps devint roide, ma peau se tendit glacée sur mon visage et mes cheveux se dressèrent par touffes. Là-bas, en mer, une sirène cornait. Oh oui, j'entendais distinctement la sirène caverneuse et sourde d'un vapeur à travers le tumulte du ressac. Elle s'interrompit, mais juste comme j'allais respirer, elle reprit. La tête me tournait, je me penchai, je me fis toute oreille, et tel un entonnoir géant, mon oreille pompait le cornement de la sirène. À présent, un sifflet se mettait aussi à strider dans le lointain, comme si une grosse bête sauvage et son petit appelaient ensemble au secours. Poupoule se mit à aboyer. Pas de doute. Abasourdi, Je fis quelques pas en trébuchant dans le brouillard. Roseher passa devant moi comme une ombre. Elle courait, et dans le claquement de ses sabots, on l'entendait crier « Naufrage ! Naufrage !» Puis je cessai d'entendre ses paroles, mais sa voix aiguë vibrait dans la brume. « Non, non, non !» Je saisis à deux mains mes cheveux hérissés et je secouai ma tête. « Non ! Tout cela est un horrible cauchemar, une effroyable sorcellerie. Personne ne peut voir à travers la brume ce qu'on ne peut pas voir. Personne au monde !» La houle grondait, la vague courait sur moi avec colère et l'écume s'enroulait autour de moi. « Écoute !» Oui, malgré le claquement de dents insensé qui m'avait pris, je l'entendais, la sirène, le sifflet, les deux voix là-bas dans la brume appelaient toujours. Puis soudain la sirène devint muette et le sifflet s'étrangla dans un gémissement plaintif. Je grossis ma voix et je criai dans la brume « Allô ! Allô ! » Un fouet d'écume me cingla le visage, tant il était ridicule d'appeler. Alors je perçus le chuintement de la vapeur qui s'échappe et un grondement éloigné comme si on rivait de la tôle. Puis il me sembla entendre le cri lointain d'une foule d'êtres humains. Et puis ce fut le silence. La mer battait, le ressac tonnait, créage grondait dans les lointains. Je courus au village. « Un vapeur assombré » criai-je, « un vapeur assombré !» J'étais fou d'émotion et les larmes me jaillissaient des yeux à m'aveugler. Chapitre 21. Les cloches commencèrent à aboyer dans la brume comme de petits chiens qu'on a dérangés dans leur sommeil. Le village dormait encore, mais çà et là il y avait déjà du mouvement. Les sabots claquetaient, les fenêtres s'éclairaient, des voix sortaient de la brume. En bas, au port, le maire avait ouvert le hangar où se trouvait le bateau de sauvetage. La brume était si épaisse qu'on ne voyait pas un homme avant de se heurter à lui, et quand on lui parlait, son visage s'estompait de voile. Appels, jurons, pêle-mêle. Une corde rampait sur le sol et des mains invisibles l'attendaient. Je la saisis, au hasard, entre quelques paires de poings et je la tirai. Des roues grincèrent et le bateau de sauvetage apparut, fantastiquement haut et long, sur son chariot. Des ombres se jetèrent sur les raies et une chaîne d'ombre maintenait le chariot à l'arrière avec une corde pour l'empêcher de rouler trop vite sur la glissière. Le bateau se mouvait comme un monstre préhistorique, un pesant monstre à 100 pattes. Il descendit à la mer et la vague rejaillit contre son ventre. « En route ! » criai-je. « Là-bas, ils attendaient. Il faut attendre qu'il fasse jour. On ne voit pas sa main tout contre ses yeux. « Où est Kedril ? Eh, Kedril, pilote ! Ton jour est venu. C'est du travail pour toi. Je te montrerai où est le vapeur. » « Mon ami, répondit Kedril, pour 1000 francs, je ne pourrai pas sortir le bateau avec cette mer. Il faut attendre la marée descendante. » « Si tu dis cela, toi aussi, Kedril ? » J'étais découragé, je m'en allais. Dans le village, je me heurtais à Joël, qui s'était empaqueté tout entier de cuir ciré et portait une longue-vue à la main. « Eh bien, me cria-t-il, ne vous l'avais-je pas dit, quand vous avez loué la villa des tempêtes, que tous les naufrages se passaient droit devant vos yeux ? Ha ha ! » Je ne lui répondis pas. Je retournai en courant à la villa des tempêtes. Il n'y avait rien que la brume, la mer qui déferlait, et toutes les 3 minutes, créage grondait dans le lointain, comme une bête blessée à mort. Quelque chose trifouillait dans les rochers. C'était Jean-Marie. « Un vapeur s'est jeté sur les rochers. Hu hu ! » dit-il avec un rire idiot. Cette fois encore, ce fut Roseher, la première. « Que peut-on faire ? » demandai-je. « Ce qu'on peut faire, rien. Hu hu ! Les rochers là-bas sont comme des couteaux. Ils se jettent tous au même endroit. Ils sont emportés par le courant. Ils n'entendent créache que quand ils sont échoués. » Il trottinait de côté et d'autre et regardait attentivement par terre. Un groupe de pêcheurs, de femmes et d'enfants se rassembla, et tous guettaient la vague qui arrivait, avec des têtes penchées et des yeux avides. C'étaient des descendants des pirates, et la mer leur avait endurci le cœur. Qu'était-ce qu'un naufrage pour eux ? Il y avait eu des nuits où 3 navires avaient sombré, et d'autres fois on avait sonné le tocsin durant 3 nuits de suite. Quelque chose de sombre fut jeté à la côte, et tous se précipitèrent dessus en même temps. C'était l'épave d'un petit bateau noir, comme un thorax fracassé. puis tous reculèrent soudain. Au milieu de la vague se dressait un homme qui dégouttait d'eau et tendait les bras vers eux. Il tomba la face en avant, et la lame le porta à terre et le déposa silencieusement. La vague suivante passa par-dessus lui, et il fit un mouvement, comme s'il voulait se mettre sur son séant. Alors Jean-Marie et moi nous le tirâmes à terre un peu plus avant. Il gisait là, les yeux ouverts, comme s'il était très effrayé. Il souriait, les lèvres écartées, laissant voir ses dents entre ses petites moustaches clairsemées. À la tempe droite, il avait une éraflure noire. Il était mort. Les pêcheurs faisaient le cercle autour de lui. Jean-Marie ôta son béret et fit le signe de la croix. Tous suivirent son exemple. Créage grognait dans le lointain, tandis qu'il murmurait la prière. Le voilà couché là. Ça n'a pas traîné avec lui. La mère l'a jeté contre un rocher. Une petite fille dit à voix basse, avec un rire d'angoisse, « Père, il rit !»« Calme-toi, tous les morts rient. » C'est un jeune homme, 22 ans. La petite fille dit encore, avec un petit rire, « Père, il me regarde !»« Tous les morts vous regardent, calme-toi. » Alors ils fouillèrent ses poches, mais le mort ne possédait rien. Une pipe, un couteau, un mouchoir rouge. Dans la poche de devant de sa vareuse, il y avait une lettre. Une lettre ? J'allumai une allumette. Il s'appelle ? Attendez, il s'appelle Joey Gordon. Le vapeur s'appelle Indiana et vient du Cap. Joey Gordon ? Indiana ? Veux-tu prendre les allumettes ? La lettre était détrempée et difficilement lisible. Elle disait à peu près, « Dear Joe, si tu touches à Liverpool, viens me voir. Ne repars pas tout de suite comme la dernière fois. Je suis malade et mon pied me fait mal. Je ne sors plus et je t'attends. La vie est bien misérable quand les enfants vous oublient. Ta vieille mère. » L'administration maritime va lui envoyer une dépêche. Joe ne viendra pas. Et elle est vieille et malade. Hem. Puis tout à coup, Rose Eyre se retrouva là, elle aussi. Elle écarta les gens et se jeta en pleurant sur le mort. Elle lui parlait, elle l'appelait « mon cœur, mon petit » et sanglotait à fendre l'âme. Je n'en pus supporter davantage et je m'en allai. « En route » criai-je, « qu'attendez-vous donc encore ?» Il faisait jour, le bateau de sauvetage avait l'air d'un fantôme dans la brume pâle, monstrueusement haut et long, et la vague léchait son ventre blanc. Des faces passaient dans la fumée. « C'est impossible, nous ne pouvons pas sortir. Vous êtes des chiens si vous ne sortez pas. Mais la mer est terrible, nous n'irons pas jusqu'à la baie. » Je tremblais d'émotion, j'employais tous mes dons de persuasion, mais ils demeuraient froids et calmes. « Ils sont là-bas. Mais ici, il y a nos femmes et nos enfants. » Dès 5 heures du matin, Chiquel avait ouvert le bar et allumé une lampe. « Peut-être réussirais-je mieux ainsi. » Je fis la ronde et versai à boire aux pêcheurs. Ils n'avaient pas d'imagination. Ils ne voyaient pas les autres là-bas, assis sur l'épave, cramponnés, espérant. « Ah, poids !»« Mais il faut y aller, dis-je, ce petit brin de mer. Mais comment êtes-vous donc fait ? Moi qui vous connais depuis si longtemps, les pêcheurs s'acagnardaient. Impossible ! Allez au diable !» Je sortis, je frémissais de colère. La brume, épaisse et d'un vilain jaune, comme du pu. Créage grondait toutes les 3 minutes. La mer battait. Les pêcheurs se tenaient près des rochers, guettant tout ce que la vague apportait. Des cadavres broyés étaient jetés à la côte. Avant midi, on en comptait 7. Le soir, 13. Mais la brume se dressait comme une muraille. Toute la nuit, Créache beugla. Le lendemain matin, la brume était devenue moins épaisse, et là-bas, dans l'obscurité, on distingua tout à coup le vapeur. Il était oblique, son arrière dressé hors de l'eau, et à chaque lame, un tour d'écume montait contre lui. Dans les cordages, quelque chose pendait, comme des flocons gris. C'étaient des hommes. La brume se referma, et nous ne vîmes plus rien. Mais à 2 heures, avec la marée descendante, Yann sortit. « Bravo, Yann, et 3 fois bravo !» Oui, soudain il y eut du mouvement sur le travailleur, qui dansait là-bas, dans la brume, au milieu des paquets de mer. Le treuil de l'ancre ferraillait. Nous nous regardâmes. « Hein ?» Le vapeur chuinta, et de la cheminée s'échappa un épais nuage de fumée qui enveloppa le travailleur de ballots de brouillard gris. Le petit capitaine se met en marche. Oui, naturellement, il se met en marche. C'était Yann, lui qui pleurait comme une fille quand il était ivre. Mais à présent, on pouvait voir ce qu'il avait dans le ventre. Il avait attendu assez longtemps, maintenant il se lançait, et on ne pouvait plus l'arrêter. Il risquait le paquet. Sûrement, il avait montré les dents en voyant hésiter son équipage. Une heure durant, le treuil ferrailla par à-coups et par saccades. L'ancre était coincée. Mais tout à coup, nous entendîmes quelque chose. Un effroyable beuglement, malgré l'éloignement. C'était Yann. En même temps, le bateau, le brouillard, se mit en mouvement. Il faisait machine en arrière. « Oh là là !» dit Joël. Puis le vapeur se dressa sur les pattes de derrière, se précipita à la tête la première, roula et partit en avant. Nous ne prononçâmes pas une parole. Seulement, après avoir longtemps regardé Yann conquérir sa route, pouce à pouce, quelqu'un dit « Pourvu que la machine tienne !» Nous attendîmes des heures sans bouger de place, guettant dans la brume. Chaque fois que nous entendions Yann corner, nous nous regardions et nous faisions un mouvement. Yann revint avec 8 naufragés. Il avait réussi à jeter un câble sur lequel ils purent grimper à bord. Le lendemain matin, le bateau de sauvetage sortit et ramena les 10 autres. Maintenant, ils étaient tous sauvés, à l'exception d'un seul, un nègre, un chauffeur, qui n'osa pas se risquer sur le câble. Toute la journée, on le vit en haut du mât, pelotonné comme un petit tas sombre. La brume se refermait et le cachait, puis la brume devenait moins dense, et le nègre était toujours là. Le mât s'était incliné et ne dépassait plus l'eau que de son dernier quart. Vers le soir, le bateau de sauvetage sortit encore une fois et alla aussi près que possible du mât. Fantastique comme le vaisseau fantôme, le bateau dansait dans la brume, mais le nègre ne bougea pas de place. Le matin suivant, la pointe du mât s'était enfoncée jusqu'au niveau de la mer. L'embrun passait par-dessus le nègre. De nouveau, le bateau sortit, mais le nègre ne bougea pas. Il restait là, pelotonné, et hurlait. Il avait perdu la raison. Au soir, lorsque la brume s'éclaircit par instant, la pointe du mât était vide. On creusa une rangée de tombes dans la lande. Tous les pêcheurs étaient là, le bonnet à la main. Moi aussi. Le prêtre parla, et le fossoyeur, à intervalles réguliers, faisait gicler le jus de sachic dans la fosse, à travers ses dents. Enfin, une petite tache de ciel bleu apparut entre les bancs de brume. Roseher était assis seul dans les rochers, les yeux fixés au large. La mince pointe du mât s'était enfoncée. De l'Indiana, on ne pouvait plus rien voir. Je passais tout contre Roseher. Elle chantonnait d'une voix aiguë et pleurante comme le vent et berçait sa tête en cadence. Je regardais l'île. Elle me parut effroyable.